إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله أيها الأحباء. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, le jeudi, le premier Ramadan de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 23 mars 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala en début de ce mois béni, le mois de Ramadan, afin de commencer une nouvelle série sur les mérites des compagnons radiyallahu anhum, conformément à la méthodologie des muhaddithin. Dans cette série, je vais me baser principalement sur le livre de Cheikh Mohamed Al-A'zami, qu'Allah lui fasse miséricorde, enseignant à l'université islamique et enseignant dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, un grand savant du hadith. C'est un cheikh de plusieurs de nos chouyouchs, notamment Cheikh Abdullah Al-Bukhari, qu'Allah le préserve, et lui-même c'est un élève de Cheikh Al-Albani. Il a énormément profité de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. C'est un très grand savant qui avait des cours dans le Majid Nabawi, dans lesquels il expliquait les livres de la Sunna principalement, et il est d'origine de l'Inde, rahimahullah, et tous les savants de la Sunna. Donc dans ce livre, il s'est limité à ce qui a été rapporté dans les livres de la Sunna, dans les mérites des compagnons, et qui arrive au degré de l'authentique ou de ce qui est acceptable au minimum. Donc il n'y a pas un seul hadith qui est faible, encore moins qui est menti sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Avant de commencer par les compagnons et de parler de leurs mérites un après l'autre, inshallah ta'ala, en suivant l'ordre dans ce livre, aujourd'hui nous allons voir une introduction à cette science, ou plutôt à ce domaine qui concerne les compagnons, et prendre quelques notions basiques avant de parler de leur mérite ou d'étudier leur biographie. Il est très important d'avoir certaines notions et de connaître les points dans lesquels les savants sont unanimement d'accord par rapport aux compagnons et les points dans lesquels la divergence est tolérée. Tout d'abord, nous commençons par la définition du compagnon. Qu'est-ce que c'est qu'un compagnon? La définition qui a été citée par Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dans son livre, qui est le meilleur livre qui a été fait au sujet des compagnons, dans lequel il a profité de tous ceux qui l'ont précédé, et c'est un grand savant du hadith, un grand mémorisateur, chose qui lui a permis de réaliser cette œuvre qui s'appelle Al-Isaba. Al-Isaba fi Akhbar al-Sahaba. Donc c'est un livre extrêmement précieux qui a été sorti dans sa première édition par le roi du Maroc, Abdel Hafid, qui avait désigné des hommes de science pour sortir ce livre comme il se doit, et il a ordonné afin qu'il soit édité. Et ça a été fait dans 4 ou 5 grands volumes. Et ensuite, ce livre a été édité par la suite, les derniers travaillés par le docteur Abdullah Turki. Il est sorti dans 16 volumes. Dans 16 volumes. Et ça, c'est considéré jusqu'à aujourd'hui comme étant la meilleure édition de ce livre. Donc, Ibn Hajar, pourquoi j'ai cité l'Isaba ? Parce que dans l'introduction du livre, Al-Hafid Ibn Hajar, il a commencé tout d'abord par parler de ce que c'est une définition, de ce que c'est un compagnon. C'est-à-dire la définition du compagnon. Et il a dit que le compagnon, c'est celui qui a rencontré le prophète, alayhi salatu wassalam, tout en étant croyant. Il a dit celui qui a rencontré. Il n'a pas dit celui qui a vu. Car il y a des compagnons qui ne pouvaient pas voir le prophète, alayhi salatu wassalam, notamment Abdullah ibn Ummi Maktoum, radiyallahu anhu, qui était aveugle. Donc il était précis, Ibn Hajar rahimahullah, comme vous pouvez le constater, il a dit celui qui a rencontré le prophète alayhi salatu wassalam en étant croyant. Il est mort croyant également. Et avec cette définition rentrent tous ceux qui ont pu rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam ne serait-ce qu'une seule fois dans leur vie, ne serait-ce que pendant un petit laps de temps, qu'ils aient rapporté de lui des hadiths ou pas, qu'ils aient participé avec lui dans des expéditions militaires ou pas. Donc ceux qui l'ont rencontré, même s'il l'a rencontré brièvement sans s'asseoir avec lui, ou il avait un empêchement de le voir, comme les sahaba qui n'étaient pas voyants, qu'Allah les agrée tous. Donc tout cela rentre dans la définition. Il n'y a qu'une seule exception qui a été mentionnée par Al-Hafidh ibn Hajar plus tard, c'est celui qu'il a rencontré en étant en dessous de l'âge de Temiz, en dessous de l'âge du discernement, ou l'âge de la distinction, 7 ans pour la plupart des savants. Donc celui qu'il a rencontré en étant en dessous de cet âge, il aura le mérite d'avoir vu le prophète alayhi salatu wassalam. Et il sera considéré parmi ses compagnons de ce point de vue. Mais par rapport à ce qu'il rapporte comme hadith du prophète alayhi salatu wassalam, il sera au degré de tabi'i et non pas au degré du compagnon. Parce que d'être dans l'âge du discernement, de la distinction, l'âge de Tamiz, est une condition pour prendre le hadith. C'est une condition pour prendre le hadith de quelqu'un. C'est pour ça, il ne sera pas considéré comme compagnon de ce point de vue. Il sera considéré comme un tabi'i, c'est-à-dire qu'on va devoir s'assurer de son intégrité. Car du moment qu'on prouve que c'est un compagnon, on ne cherche pas à prouver son intégrité, car tous les compagnons sont dignes de confiance et sont intègres, comme on va le voir plus tard, inshallah ta'ala. Donc ça, c'est la définition qui a été choisie par la plupart des savants par la suite. Après le Hafidh ibn Hajar, pour ne pas dire tous, ils ont adopté cette définition. Contrairement à certains savants qui ont vu que c'est une condition de rapporter du prophète alayhi salam ne serait-ce qu'un hadith ou deux. Et ça a été rapporté de Saïd ibn al-Musayyib qu'il disait que c'est une condition qu'il était dans la compagnie du prophète alayhi salam ne serait-ce qu'une année ou deux, et qu'il ait participé avec lui ne serait-ce que dans une seule expédition militaire ou deux. Sinon, c'est pas un compagnon. Lakin, ce qui est juste, c'est ce que le Hafidh ibn Hajar rahimahullah a dit. Donc ne rentre pas dans les compagnons, et ça c'est un point extrêmement important, ne rentre pas dans les compagnons, même s'ils ont vérifié ce qui a été cité précédemment, les hypocrites, ceux dont l'hypocrisie est apparente, ils ne rentrent pas. Et ne rentrent pas non plus ceux qui ont apostasie. Ceux qui ont apostasie ne rentrent pas. Donc c'est une condition qu'il ait rencontré le prophète en étant croyant et de mourir croyant. S'il y a eu un apostat, s'il y a eu une apostasie entre les deux, ça nuit pas du moment qu'il est mort croyant. Du moment qu'il est mort croyant. Et ça, c'est l'avis le plus juste, comme a dit Ibn Hajar également. Rahimahullah. Donc, les savants ont distingué des degrés dans les compagnons. Les compagnons, ils ne sont pas tous du même degré. Ils ont tous ce mérite que personne ne peut avoir après eux. Le fait d'avoir vu un Nabi alayhi salatu wassalam. Mais il faut savoir que les compagnons entre eux, ils ne sont pas tous du même degré. Le degré, yani c'est pour ça que les savants ont classé les compagnons selon des degrés. Selon des degrés. Parmi ceux qui ont fait cela, qui ont fait ce travail, qui a été accepté et suivi par les savants par la suite, Al-Hafidh Abu Abdillah Al-Hakim al-Naysaburi. Dans son livre « Ma'rifatu ulum al-hadith », il les a classés en 12 degrés. 12 degrés. Ibn Sa'd, dans « Tabaqat », il a cité 5 degrés des compagnons. Effectivement, quand on va voir les 12, vous allez constater qu'il y en a qui peuvent yani, former un seul degré. Lakin, c'est plus précis. C'est pour ça que la plupart des savants ont suivi « Al-Hafidh » Al-Hakim al-Naysaburi. Al-Hakim al-Naysaburi, c'est celui qui a Al-Mustadrak al-Sahihayn, parmi les grands livres de l'islam. Donc, dans le premier degré, il a mis ceux qui sont entrés en islam à son début, au début de l'envoi du prophète, alayhi salatu wassalam, à la Mecque. Comme les quatre califes bien guidés. Donc ça, c'est le premier degré des compagnons. Le deuxième, c'est ceux qui sont entrés en islam avant la consultation des gens de Mecca, les kuffars de Quraysh, au sujet du prophète alayhi salatu wassalam, dans ce qu'on appelait Darun Nadwa. Donc c'est aussi au début de l'islam, mais c'est quelques années plus tard. La troisième catégorie, ou le troisième degré des compagnons, c'est ceux qui ont fait l'émigration vers l'Abyssinie. Ceux qui ont fait l'émigration vers l'Abyssinie. Et cette émigration, la première, elle a eu lieu dans le mois de Rajab de l'année 5 de l'Hégire, de l'année 5, après l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam. Là on ne compte pas encore avec l'Hégire, car l'Hégire ça va commencer quand Nabi alayhi salam va arriver à Médine, qui vont commencer à compter avec le calendrier de l'Hégire. Avant on comptait par rapport à Al-Bi'tha, la dépêche ou l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam, quand il est devenu prophète. Et ceux qui ont effectué cette immigration vers l'Abyssinie, ils étaient au nombre de 11 hommes et 4 femmes. Ça, c'est la première qui a eu lieu en l'année 5 après l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam. Et la deuxième, elle a eu lieu 5 ans plus tard. 5 ans plus tard, ils étaient au nombre de presque une centaine. 80 hommes et 18 femmes. Ça, c'est le troisième degré. Le quatrième, c'est ceux qui ont fait le pacte d'allégeance qu'on a appelé Al-Aqabatul Oula. De la première, le premier pacte d'allégeance qui a été fait au prophète alayhi salatu wassalam par des Médinois. Et ça, ça a eu lieu dans l'année 11 après l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam, dans la saison du pèlerinage. dans la saison du pèlerinage. Ils étaient quatre hommes parmi les Médinois qui sont venus avant, l'année d'avant, et ils ont fait connaissance avec le prophète alayhi salatu wassalam, et ils ont cru en lui, et ils ont ramené les leurs, ils sont venus, ils étaient 15. Ils étaient 14 parmi les Médinois. Il y avait 10 de la tribu de Khazraj, et ils étaient au nombre de 12, au nombre de 12, 10 parmi le Khazraj et 2 parmi l'Aous. Ça, c'est l'Aqab al-Oula. Et c'est le quatrième degré. Le cinquième degré, c'est l'Aqab al-Thaniya. L'Aqab al-Thaniya, elle a eu lieu l'année suivante. 3 mois avant l'émigration vers Médine. Et cette fois-ci, ils sont venus. Ils étaient 75 personnes. 64 parmi le Khazraj et 11 parmi l'Aous. Le sixième degré des compagnons, c'est ceux qui ont rencontré le prophète alayhi salatu wassalam à son arrivée à Médine. Très exactement, à Quba, avant l'entrée dans la ville, quand il est arrivé à Quba, là où la mosquée est construite aujourd'hui, ceux qui l'ont rencontré, ça c'est le sixième degré. Le septième, c'est ceux qui ont participé dans la bataille de Badr. Et Badr, elle a eu lieu, comme vous savez, dans l'année 2 de l'émigration, après l'émigration. L'année 2 après l'émigration, dans le mois de Ramadan. Dans le 17 Ramadan. Le huitième degré des compagnons, radiallahu anhum, c'est ceux qui ont émigré entre la bataille de Badr, l'année 2 de l'Hégire, et le pacte de l'Hudaybiya. Ceux qui ont émigré entre la bataille de Badr et le pacte de l'Hudaybiya. Donc c'est le pacte de l'Hudaybiya, il a eu lieu l'année 6 de l'émigration. L'année 6 après l'émigration, donc c'est ceux qui ont émigré vers le Nabi alayhi salatu wassalam entre ces deux événements importants, la bataille de Badr et le pacte de l'Hudaybiya. Et la 9e catégorie, c'est ceux qui ont fait le pacte d'allégeance au prophète alayhi salatu wassalam lors de l'Hudaybiya. Et leur nombre était à peu près 1400 à 1500. Les versions ont divergé. Lakin, les savants, ils disent la cause de la divergence, c'est que le nombre était entre 1400 et 1500, comme a dit Al-Hafidh ibn Hajar. La 10e catégorie ou degré des compagnons que l'Hakim a cité, c'est ceux qui ont émigré après l'Hudaybiya, après l'année 6 de l'Hégire, et avant la conquête de Mecca. Comme Khalid ibn al-Walid, comme Amr ibn al-As, et ainsi de suite. Et la 11e catégorie, le 11e degré, c'est ceux qui sont entrés en islam suite à la conquête de Mecca. Et la 12e catégorie et le dernier des degrés qui a été cité, c'est les enfants et ceux qui sont en bas âge qui ont vu le prophète alayhi salatu wassalam le jour de la conquête de Mecca ou dans le pèlerinage d'adieu ou dans autre moment. Mais ils l'ont vu en étant en bas âge, en étant des enfants. Donc, faut savoir que les meilleurs des compagnons d'une manière absolue. C'est Abu Bakr Siddiq. Et ensuite, Omar ibn al-Khattab. Et l'unanimité des savants a été rapportée à ce sujet. Et il n'a divergé par rapport à ce point que les gens de l'innovation comme Rafida. Parmi ceux qui ont rapporté l'unanimité et le consensus sur ce point, l'imam Shafi'i lui-même. Ensuite vient Uthman ibn Affan, puis Ali ibn Abi Talib. Et ça, c'est l'avis de tous les muhajirin et l'ansar parmi les compagnons. C'est leur avis à tous, comme l'a dit l'imam Dharqutni. Les émigrés et les Ansar, tous, pour eux, l'ordre de mérite des compagnons, c'est Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Y compris Ali, radiallahu anhu. C'est son avis aussi. Ensuite, le reste des 10. Le reste des 10 annoncés au paradis. Baqiyatul Ashara. Puis, ceux qui ont participé dans la bataille de Badr. Ceux qui ont participé dans la bataille de Badr. Radiallahu anhum tous. Et ça, c'est l'avis de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Par rapport au nombre des compagnons, on a vu que dans le pacte d'allégeance de Hudaybiyah, il y a eu plus de 1400 compagnons qui sont partis en compagnie du prophète alayhi salatu wasalam dans l'objectif d'accomplir l'Umra. Et dans Hajjat al-Wada', le pèlerinage d'adieu, ceux qui ont accompagné le prophète alayhi salatu wasalam, les compagnons qui étaient avec lui, hommes et femmes, ils étaient plus de 114 000 personnes. 114 000 personnes. Comme l'a rapporté l'imam Abu Zur'a et d'autres parmi les hommes de science. Et ceux-là, ils étaient parmi les gens de Medina, les gens de Mecca et les alentours et ceux qui sont venus du Yémen et autres pays. Par contre, ce que nous trouvons dans les livres qui nous relatent les biographies des compagnons radiallahu anhum, on ne trouve pas plus de 13 000 compagnons, jusqu'à 15 000. 13 à 15 000 compagnons. Et comme on a parlé des livres dans lesquels, les livres les plus importants dans l'islam qui était fait au sujet des compagnons radiallahu anhum, je vais citer uniquement les plus importants car ils sont assez nombreux. Parmi le premier de ces livres là qui a été fait dans le 4e siècle, un livre qui s'appelle Mu'jam al-Sahaba l'Ibn Qani', Mu'jam al-Sahaba, dans lequel il a cité les compagnons avec certains détails brefs de leur vie, date de naissance, si elle était connue, son nom, et ainsi de suite. Certains éléments. Après lui, l'imam Ibn Mandah a fait un livre qui s'intitule Ma'rifatu Sahaba. Ibn Mandah, il est décédé en l'an 395 de l'Hégire. Après, Abu Nu'aym al-Asbahani a fait un livre avec le même titre. Il est décédé 35 ans plus tard. Et après est venu le grand imam du Maghreb, Hafidh al-Maghrib, l'imam Ibn Abd al-Barr, qui a fait son livre très connu, Al-Isti'ab, fi ma'rifati al-Ashab. Et ça, c'est parmi les livres les plus importants. Ensuite est venu Ibn al-Athir, il a fait un livre qui s'intitule Usdul Ghaba fi ma'rifati as-Sahaba. C'est un livre aussi important. Mais après est venu celui qui a clôturé ce domaine, si on peut le dire ainsi, c'est Al-Hafidh ibn Hajar. Il a fait son livre Al-Isabatu fi Tamyiz al-Sahaba. Al-Isabatu fi Tamyiz al-Sahaba. La justesse dans la distinction des compagnons. Car dans son livre, peut-être on va le citer d'une manière un peu plus détaillée, car c'est un livre très très important. Donc ce livre, il est composé de quatre catégories qui sont citées dans ce livre-là. À chaque fois, il va citer les compagnons selon un ordre alphabétique. Par exemple, dans la première lettre, Alif, dans la lettre Alif, il va citer les compagnons dont le nom commence par l'Alif. Et il va les classer en quatre catégories. Dans la première catégorie, la plus importante, il va citer les compagnons qui ont rapporté des hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Ou bien ils les ont rapportés du prophète, alayhi salatu wassalam, directement, ou d'un autre compagnon. Et ce sont des compagnons. La deuxième catégorie, il a cité les enfants parmi les compagnons qui sont nés en islam et le prophète alayhi salam est décédé avant qu'ils atteignent l'âge de la distinction. Dans la troisième catégorie, il a cité les compagnons qui ont vécu dans la période anti-islamique et qui ont vécu dans l'islam aussi, ce qu'on appelle Mukhadramin, et qui n'ont jamais rencontré le prophète alayhi salam ni l'avoir vu, sinon ils seraient des compagnons. Que ce soit ceux qui sont entrés en islam pendant le vivant du prophète alayhi salam ou après sa mort, tous il les a cités dans cette troisième catégorie de son livre. Et dans la quatrième et dernière, il a cité des hommes qui ont été cités dans les livres de Sahaba comme des compagnons, alors que c'est une erreur et que ce ne sont pas des compagnons. D'où l'importance de ce livre, car il te permet d'avoir l'avis juste concernant cette personne, est-ce qu'il fait partie des compagnons ou pas. Donc on a vu que les compagnons, on ne connaît pas exactement le nombre des compagnons. On sait que 114 000 ont accompagné le prophète dans le pèlerinage. Mais combien de compagnons nous ont rapporté des hadiths? Al-Hakim al-Naysaburi a cité que ceux qui ont rapporté des hadiths, leur nombre atteint 4000. Atteint les 4000. Mais Al-Hafidh, Al-Imam al-Dhahabi, n'était pas d'accord avec lui sur cet avis. Il a dit que ceux qui ont rapporté les hadiths, leur nombre est entre 1500 et 2000 maximum. Il ne dépasse pas les 2000. Et après, Cheikh Al-A'zami, qu'Allah lui fasse miséricorde, a prouvé que l'avis de l'imam al-Dhahabi est le plus juste. Est le plus juste. Car si on prend tous les compagnons qui ont été cités dans le Musnad de l'imam Ahmad, c'est parmi les livres les plus grands de Al-Hadith. C'est un livre qui est composé de 52 volumes. Dans ce livre, il y a combien de compagnons? Il y a 904 compagnons dans le Musnad de l'imam Ahmad. Car le Musnad de l'imam Ahmad, par rapport à chaque compagnon, il va te rapporter ce qui lui est parvenu de ses hadiths. Donc, on a 904. Ensuite, on prend un autre musnad qui complète celui-là, qui est fait par un élève de l'imam Ahmad de l'Andalousie, qui s'appelle Baqi ibn Makhlad, rahimahullah. Et il a une histoire très connue dans l'attachement à la demande de science avec l'imam Ahmad. Quand il est venu, il a trouvé qu'il n'avait pas le droit de transmettre la science et qu'il devait se tenir à son foyer. Et l'imam Ahmad a obéi au gouverneur dans cela, malgré que le gouverneur, il disait que le Coran est créé. Et ça, en soi-même, c'est une mécréance. Mais pas toute personne qui est tombée dans une mécréance est devenue pour autant un mécréant. Donc, il l'appelait guide des croyants. Et il savait qu'il était leurré par les innovateurs qui l'ont induit dans cette erreur de aqida. Très grave. Donc, Baqi ibn Makhled, il a réussi, avec son attachement à la demande de science, à profiter de l'imam Ahmed pendant cette période-là. Et après, quand l'imam Ahmed il lui a été autorisé de propager la science, après que cette fitna est terminée, il rapprochait beaucoup cet élève de lui. Ce grand savant qui s'appelle Baqi ibn Makhled, ils disent, il a le musnad le plus grand dans l'islam. Mais la majeure partie de ce livre est introuvable aujourd'hui, malheureusement. Donc, dans son livre, il a rajouté 568 compagnons que l'imam Ahmed n'a pas cités. Et si on prend un autre livre, un autre savant qui s'appelle Abu Bakr al-Barqi, il a rajouté 87 hadiths. Ibn al-Jawzi a rajouté 6 compagnons. J'ai dit 87 hadiths, je voulais dire 87 compagnons. Ibn al-Jawzi a rajouté 6 compagnons. Donc le total est de 1565 compagnons dont on a les hadiths. Donc voyez que l'avis de l'imam Zahabi est plus proche de la réalité que nous connaissons aujourd'hui. As-Sahaba, comme vous savez mes frères, se sont dispersés partout sur terre pour propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est important de connaître les pays dans lesquels ils se sont installés, surtout pour un étudiant en sciences de hadith, afin de savoir que tel compagnon était dans telle ville et ceux qui ont rapporté de lui. Ensuite, un autre point très important, je l'ai mentionné tout à l'heure, et on revient dessus maintenant, c'est l'intégrité des compagnons. Du moment qu'on prouve que c'est un compagnon, cela implique automatiquement qu'il est intègre. Et l'intérêt de cela, c'est que tu n'as pas besoin de chercher dans sa biographie est-ce qu'il est de confiance ou pas. Tous les compagnons, sans exception, du moment que c'est prouvé que c'est un compagnon. Et on a vu que ceux qui sont apostasie et qui ne sont pas revenus à l'islam, ce n'est pas des compagnons. Les hypocrites, qui sont connus comme étant des hypocrites, ce ne sont pas des compagnons. Et ceux qui sont, qui n'ont pas vu le prophète alayhi salam et qui ne l'ont pas rencontré après l'âge de la distinction, ce ne sont pas des compagnons. De ce point de vue, ça veut dire qu'on doit étudier leur biographie pour savoir si on accepte leur hadith ou pas. Le compagnon, on accepte son hadith automatiquement. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait leurs éloges et qui a témoigné de leur intégrité. Et ils n'ont pas besoin que quelqu'un d'autre vienne le faire après le témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a dit « لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا » Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Allah a été satisfait des croyants qui te faisait allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait au fond de leur cœur et a fait donc descendre sur eux la quiétude. Il les a récompensés par une victoire imminente. » Il s'agit de la conquête de Khaybar. C'est ça qui est voulu ici. Donc, après cela, on n'a pas besoin de chercher est-ce qu'on accepte ou pas d'eux. Du moment qu'on prouve que c'est un compagnon, on accepte tout ce qu'il nous rapporte. Ensuite, on va prendre quelques textes du Coran et de la Sunna dans lesquels il y a les mérites des compagnons d'une manière générale et les mérites de tous les compagnons d'une manière globale. Et après, Inch'Allah ta'ala, dans le cours de demain, nous allons prendre chaque compagnon avec ses mérites. Parmi ce qui a été rapporté dans les mérites des compagnons, c'est le verset que je viens de citer. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Aussi, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Dans le sens de ce verset, Allah Azza wa Jalla dit la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Ils ne sont pas égaux. Ceux qui ont dépensé de leurs biens avant la conquête et qui ont combattu, من أنفق منكم قبل الفتح وقاتل. Donc, ceux qui ont dépensé de leurs biens pour la cause d'Allah avant la conquête, من قبل الفتح وقاتل. Avant la conquête, يعني la prise de la Mecque. La prise de la Mecque. Min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan. Ceux-là occuperont un rang plus élevé que ceux qui auront dépensé de leurs biens et combattu après la victoire. Yani la prise de la Mecque. Mais à tous, Allah a promis la plus belle des récompenses. Allah est de tout ce que vous faites parfaitement informé. Ça aussi, c'est un verset clair dans le mérite des compagnons radiallahu anhum. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait leurs éloges. Donc ils ont besoin des éloges de personne d'autre après l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dernier verset que Cheikh rahimahullah a cité, c'est dans Surat al-Fath, Muhammadur Rasulullah wal-ladhina ma'ahu ashidda'u ala al-kuffari ruhama'u baynahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. محمد est le messager d'Allah. Ceux qui sont avec lui sont intraitables face aux mécréants, pleins de mansuétude les uns envers les autres. Tu les vois qui s'inclinent et se prosternent, espérant les faveurs et la satisfaction d'Allah. Leurs marques distinctives sont là sur leur visage par l'effet de la prosternation. Et entre parenthèses, ce qui est voulu, ce n'est pas la marque que laisse le sol sur le front. Ce n'est pas ça qui est voulu. C'est la lumière de la foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donnera le jour du jugement dernier avec leur salat. Avec leur salat. Car salat, comme dans le hadith, est une lumière. Donc ce qui est voulu, ce n'est pas la marque noire qu'on peut voir sur le front de certaines personnes à cause de la prosternation. Ça, c'est quelque chose qui est dans l'au-delà. Comme ça disent les savants. Il y en a qui ont expliqué par une marque dans le dunya, une lumière dans le dunya. Là, la plupart des salafs disent, c'est dans l'akhira. Aussi, parmi les ahadiths qui ont été rapportés du prophète, alayhi salatu wassalam, au sujet des mérites des compagnons radiallahu anhum, hadith Imran ibn Husayn, hadith Imran ibn Husayn radiallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. النبي عليه الصلاة والسلام a dit selon عمران بن حصير رضي الله عنه, il a dit: les meilleurs d'entre vous sont ma génération. Al-Qarn, c'est la génération. Et les savants ont divergé au sujet de la durée d'une génération. Il y en a qui ont dit 33 ans, il y en a qui ont dit 70 ans. En tout cas, c'est la génération qui a vécu avec le Nabi alayhi salatu wassalam. Ça, c'est la meilleure génération. C'est la génération des compagnons. Et à ce sujet-là, il n'y a pas de divergence. Tayyib. Ensuite, ceux qui viendront après eux, c'est-à-dire la génération qui n'a pas vécu avec le Nabi alayhi salam, mais qui a vécu avec les compagnons, qu'on appelle At-Tabi'in. Et ensuite, ceux qui viendront après eux, qu'on appelle Tabi'u At-Tabi'in. Imran radiallahu anhu, il a douté combien de générations a cité le prophète alayhi salam, 2 ou 3. Mais on va voir que selon les autres hadiths qui sont rapportés de d'autres compagnons, ces 3 générations que le Nabi alayhi salam a citées. Mais regardez la minutie et la précision des compagnons. Radiallahu anhum. Il a un doute, il le mentionne. C'est pas il dit, mais je penche vers un avis, donc je vais le citer seul. Non. C'est une amana. Radiallahu anhum wa ardahum. C'est pour ça que beaucoup de compagnons ne rapportaient pas l'hadith du prophète alayhi salam. Il s'abstenait de cela. Par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et de rapporter de Nabi alayhi salam ce qu'il n'a pas dit, et aussi parce qu'il savait qu'il y avait d'autres de leurs frères qui faisaient cela. Sinon, il serait dans le péché de cacher la science et de la dissimuler. Lakin, il y a d'autres qui le font. C'est pas une obligation que tout le monde le fasse. Ensuite, Nabi alayhi salam a dit dans ce même hadith: Inna ba'dakum qawman. Après avoir cité ces 3 générations, il a dit qu'il viendra après vous des gens yakhununa wa la yu'tamanun, qui trahissent et qui ne sont pas de confiance, wa yashhaduna wa la yustashhadun, et qui témoignent, qui portent leur témoignage sans qu'on leur demande. Ils se précipitent à le faire et ils peuvent le faire pour dunya et par intérêt, sans craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et sans s'assurer que ce témoignage est vrai. Tout ça rentre dans ce sens. Et puis ils font des vœux d'adoration et ils ne les respectent pas. Et il apparaîtra, et il apparaîtra en eux l'obésité. Yani, هذا هو les signes de ces gens-là. Pas toute personne obèse est mauvaise. L'imam Warsh était obèse. Sofiane al-Thawri était obèse. C'est pour ça qu'il est rapporté de l'imam Shafi'i qui disait: La khayra fi saminin illa an yakuna ka Sufyan. Il n'y a pas de bien en une personne obèse sauf s'il est comme Sofiane. Car l'obésité qui provient de l'excès de nourriture, c'est celle-là qui est visée. Mais il y a des personnes, c'est une maladie. Ils mangent très peu. Peut-être toi, tu es maigre, tu manges beaucoup plus que lui. Lakin, ce qui est yani, blâmable, c'est une personne dont la préoccupation première est de manger, de boire et de dormir. Elle ne fait que ça dans sa vie, jusqu'à prendre du poids de cette manière. Et Ramadan, alhamdoulilah, c'est une opportunité pour perdre du poids. Et je vous cite une seule astuce qui devrait vous aider à y parvenir. Une seule. Bien évidemment, si tu peux délaisser le sucre, délaisse-le. Et l'astuce, c'est de délaisser le pain d'une manière stricte, ne serait-ce que pendant ce mois de Ramadan. Mange des légumes, des pommes de terre, des fruits, là qu'il ne mange pas de pain. Et tu vas sentir un allègement dans ton corps, une facilité dans tes adorations, inshallah ta'ala, qu'Allah nous le facilite. C'est pas facile, surtout pour nous les Marocains, de délaisser le pain. Tayyib. Ensuite, il a été rapporté de notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, un homme a interrogé le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit, qui sont les meilleurs des gens? Il a dit, ma génération. Il a dit, la génération dans laquelle je suis. Puis la deuxième, puis la troisième. Aussi a rapporté selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, Bu'ithtu min khayri quruni bani Adam qarna fa qarnan hatta kuntu min al-qarni alladhi kuntu minhu. Donc dans ce hadith, il y a une faïda supplémentaire. C'est que la génération du prophète alayhi salatu wassalam, c'est pas seulement la meilleure génération de notre communauté. Ça c'est sûr. Lakin c'est aussi la meilleure génération de toute l'humanité. Le Nabi alayhi salam a dit, j'ai été envoyé dans la meilleure génération de tous les fils de Adam, génération après génération, jusqu'à ce que Allah m'a envoyé dans cette génération qui est la meilleure des générations. Et vous savez aussi que le Nabi alayhi salam, c'est le meilleur des prophètes, et que ses compagnons sont les meilleurs des compagnons de tous les prophètes, et que les meilleurs hommes qu'Allah a créés après les prophètes, ce sont les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Selon Wafil ibn al-Asqa' radiyallahu anhu, il a dit, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam a dit, vous ne cesserez d'être dans le bien tant qu'il y a parmi vous ceux qui m'ont vu et qui ont été dans ma compagnie. Et vous ne cesserez d'être dans le bien tant qu'il y a parmi vous ceux qui ont vu ceux qui m'ont vu, c'est-à-dire tabi'in, ceux qui ont vu les compagnons, et qui ont tenu compagnie à ceux qui m'ont tenu compagnie, tabi'in. Et vous ne cesserez d'être dans le bien tant qu'il y a parmi vous ceux qui ont vu ceux qui ont vu ceux qui m'ont vu, tabi'in, et également pour la compagnie. Donc les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont une sûreté pour cette communauté. De la même manière que les étoiles sont une sûreté pour le ciel. Tant qu'il y a les astres et les étoiles, n'arrivera pas la fin des temps. Mais quand ils vont disparaître, alors c'est la fin des temps. De la même manière, les compagnons est une sûreté pour cette communauté. Dans le sens, elle ne cessera d'être dans le bien. Parmi ce qui a été rapporté comme hadith dans les mérites des compagnons radiyallahu anhum d'une manière globale, ce qu'a rapporté Auf ibn Malik radiyallahu anhu, il a dit, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, iftaraqat al-yahudu ala 71 firqa. Les juifs se sont divisés en 71 sectes. Fawahidatun fil jannah wa 70 fil nar. Une seule au paradis. Et 70 en enfer. 70 en enfer, ça veut dire sont menacés par l'enfer. Ils sont menacés par le châtiment. Ils méritent le châtiment. Mais Allah, il peut leur pardonner. N'oubliez pas ça. Et les chrétiens se sont divisés en 72 sectes. 71 en enfer et une au paradis. Une à qui est promis le paradis, car ils se sont conformés à la guidée et à la tradition et à la sunna de leur prophète, comme les juifs, ils se sont conformés à la guidée de Moussa alayhi salam, c'est la secte, enfin c'est le groupe sauvé, et les autres, ce sont les sectes qui se sont éloignés de sa sunna et de sa tradition, mais ils sont toujours dans le cercle de l'islam, car ceux qui sont sortis de l'islam, ils ne rentrent pas dans ces sectes-là. Ça, c'est uniquement le muslimin. Pour chaque prophète. Et ensuite, Nabi alayhi sallam a dit, et ma communauté s'est divisée en 73 sectes, 72 en enfer. Ça, c'est les gens de l'innovation et de l'égarement qui sont toujours dans le cercle de l'islam. Et une au paradis. Ça, c'est al-sunna wal-jama'a. Al-sunna wal-jama'a, pas al-ash'ariya. Comme certains veulent faire croire aux gens. Ahl-sunna wal-jama'a, c'est ceux qui ont suivi salaf, qui ont suivi les pieux prédécesseurs dans tous les domaines de la croyance sans exception, qui ont suivi l'imam Malik dans l'aqida, et qui ont suivi l'imam Malik dans le fiqh, et qui ont suivi l'imam Malik dans le comportement, et ainsi de suite. Car ces imams, ils puisent leur science du prophète, alayhi salatu wassalam. Et s'ils ont un avis, et ça c'est vraiment très minoritaire, s'ils ont un avis qui n'est pas en accord avec la sunna, on leur trouve une excuse, et on ne les suit pas dans cet avis-là. Et ça c'est minoritaire dans leurs avis. Surtout l'imam Malik, l'imam Ahmad, l'imam Shafi'i, surtout ces écoles-là. Et on ne fait pas comme ces égarés qui disent on suit l'imam Malik dans le fiqh seulement, et Abul Hassan al-Ash'ari dans l'aqida, et le Junaïd dans le comportement et dans l'ascétisme. Non, l'imam Malik c'est un imam dans tous les domaines. Tu peux le suivre dans tous les domaines. Mais ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils ne les arrangent pas. Ils ont dit laquelle au messager d'Allah, ce groupe sauvé. Il a dit c'est le groupe Al-Jama'a. Dans une autre riwaya, il a dit Mahum man kana ala ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Ceux qui seront comme je suis aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Aussi, il a été rapporté des hadiths que 100 ans après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, après 100 ans de la mort du prophète alayhi salatu wassalam, disparaîtra tous les compagnons et tous ceux qui sont sur terre. Et ça, ça réfute à Sophia qui disent que le Khadr est encore vivant aujourd'hui. Le Nabi alayhi salam, il a dit, après cette nuit-là, quand il leur parlait, et cette nuit-là, elle était proche de sa mort, après avoir fait Salat l'Isha, vers la fin de sa vie, il s'est assis avec les compagnons et il leur a dit, après cette nuit-là, 100 ans plus tard, il ne restera personne sur terre vivant parmi ceux qui sont vivants aujourd'hui. Donc tous les compagnons ont décédé avant cela. Et le Nabi alayhi salam nous a ordonné la bonté envers ses compagnons. Il a dit Istawsu bi ashabi khayra. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Il a dit, يعني, soyez bons envers mes compagnons et ceux qui viendront après eux et ceux qui viendront après eux. Puis apparaîtra le mensonge au point où l'homme il portera son témoignage sans qu'on lui demande de témoigner, alors que celui qui veut le milieu du paradis, qu'il se cramponne au groupe, car Shaitan est avec la personne seule, et elle est plus loin, et Shaitan est plus loin des deux. Et qu'un homme ne s'isole jamais avec une femme, car Shaitan sera le troisième, une femme qui ne fait pas partie de ses maharim. Et celui qui se réjouit avec sa bonne action, et qui est attristé par sa mauvaise action, c'est le croyant. Le croyant, il se réjouit d'avoir fait le bien. Il sait que c'est une ni'ma de la part d'Allah. Et quand il tombe dans un péché, il est attristé, il est peigné, il n'est pas bien, et c'est pour ça qu'il va vers le repentir et le délaissement de ce péché. Il a été rapporté aussi, et avec ça on va terminer, c'est le dernier point, il a été rapporté l'interdiction d'insulter les compagnons radiallahu anhum ou de dire du mal d'eux Nabi alayhi salam a dit la tasubbu ashabi falaw anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifah. Il a dit, n'insultez pas mes compagnons. Ne dites pas du mal de mes compagnons. ne dénigrez pas mes compagnons. Car si l'un d'entre vous dépense l'équivalent de la montagne de Uhud, il n'atteint pas dans le mérite la dépense de un de mes compagnons qui est d'un empan d'orge ou de quelque chose comme ça. Allahu Akbar. Et ça, on va le constater. On va le constater à travers leur mérite à chacun. Et selon Abdullah ibn Busr, radiyallahu anhu, il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, alayhi sallallahu alayhi sallam, dire, Touba liman ra'ani. Touba liman ra'ani. Wa touba liman amana bi wa lam yarani. Wa touba lahu wa husna ma'ab. Allahu Akbar. Le Nabi, alayhi sallallahu alayhi sallam, il félicite celui qui l'a vu. Et celui qui a cru en lui sans l'avoir vu. Inch'Allah, on rentre dans ça. Il a dit, par rapport au deuxième, Touba lahu wa husnu ma'ab. À lui la félicité et le meilleur retour. Donc ça, c'est le, ça montre le mérite des compagnons et aussi le mérite de ceux qui ont cru au prophète alayhi salatu wasalam sans l'avoir vu. Que le Nabi alayhi salatu wasalam a appelé dans un hadith Ikhwani, ses frères. Les compagnons ont dit, on est tes frères. Il a dit, non, mes frères, c'est des gens qui viendront par la suite. Vous, vous êtes mes compagnons. Eux, c'est mes frères. Ils ont cru en lui sans m'avoir vu. Et Nabi alayhi salatu wassalam, on termine avec cette faïda. Nabi alayhi salatu wassalam lui-même a appelé la deuxième génération. La première génération, c'est lui qui l'a appelé As-Sahaba, As-Sahabi. Et la deuxième génération, il l'a appelé lui-même également At-Tabi'in. Il a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, il a dit selon Omar ibn Khattab, Nabi alayhi salam a dit Inna khayra At-Tabi'ina. Rajulun yuqalu lahu Uwais. Le meilleur de tabi'in, de ceux qui viendront après les compagnons, le meilleur d'entre eux, c'est un homme qui s'appelle Uwais. Uwais al-Qarani. Il n'a pas cité dans cette riwaya. Il y a d'autres riwayas où c'est cité aussi al-Qarani. Al-Qarani, il est d'une tribu qui s'appelle Qaran au Yémen. C'est un yéménite que le Nabi A.S. n'a jamais vu. Et lui non plus, il n'a jamais vu le Nabi A.S. Mais il a cru en lui pendant son vivant. Et il n'a pas pu le voir. Il a eu un empêchement. Ensuite, le Nabi A.S. a dit, « Walahu walidatun, wa kana bihi bayad. » Il a une mère. Et il a une histoire avec cette mère. Dans sa bonté. Envers elle. Et il a dit Wabihi Bayad. Et il avait la lèpre. Il avait la lèpre. Et cet homme avait la lèpre dans plusieurs endroits de son corps. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le guérir, mais de lui laisser une petite tache pour toujours se rappeler ce bienfait d'Allah sur lui, qu'il l'a guéri de la lèpre. Et effectivement. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Wabihi Bayad. Il avait encore cette tache de lèpre. Même s'il est guéri dans le reste de son corps. Et c'est un homme qui était extrêmement bon envers sa mère. Et il vous suffit de savoir que c'est la cause pour laquelle il n'a pas pu voyager vers le Nabi alayhi salatu wassalam. C'est parce qu'il s'occupait de sa mère. Allahu Akbar. Le Nabi alayhi salam ensuite, il a dit à Omar radiallahu anhu, il lui a dit Famuruhu falyastaghfir lakum. Demandez-lui qu'il invoque Allah de vous pardonner, qu'il demande à Allah de vous pardonner, si vous le voyez. Ça, c'est un hadith rapporté dans l'authentique de l'imam muslim. Et cet homme, effectivement, il a rencontré Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma après la mort du prophète alayhi sallam. Et ils l'ont reconnu, et lui ont demandé de leur faire des duas, et ensuite il a demandé à Allah de prendre son âme de peur d'être tenté par la célébrité, d'être connu, que c'est lui que le Nabi a dit à son sujet ça. Et effectivement, Allah a exaucé sa demande et il a pris son âme. Donc aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Demain, Inch'Allah, nous allons commencer par les mérites de Abu Bakr As-Siddiq. Qu'Allah l'agrée et qu'Allah agrée tous les compagnons de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Concernant